belle galerie de tableaux. Pourquoi, tu les connais? Oui, celui qui est en train de parler, c'est Rip Smith. Qu'est-ce qu'il vaut? Le mec qui est au milieu, c'est le cadet, Lenny Smith, spécialiste des hold-up. Et le troisième? C'est Cigarry Smith, chasseur de primes. Rien dans le cigare, tout dans la gâchette. Il réfléchit pas, il tire. Réveillé au bar piano, odeur de clope, coupé au canasson. J'attends la chance qui me fera choper la mouche en un seul coup de lasso. J'ai tout laissé, la dynamique du temps fait sauter tous les ponts. Odeur de dynamite qui te fait grouiller comme un bon coup d'éperon. T'attends l'aumône, va faire le mort devant la diligence. L'entraide a disparu comme un gamin en manque de vigilance. Les virevoltants ont remplacé tous les espoirs d'antan. Les côtés sur les rails, faut que tu t'en sortes, même si c'est pas tentant. Fièvre de l'or qui fait vriller un bon panier de connards pendant que tu trimes en direct de la mine pour une poignée de molars. Écoute mon art entre coyotes et les corps désertiques. Il suffit d'un clin d'œil et ta couronne finira désertie. Et si tu ne pèses que d'après ta répute ou selon le poids de ta bourse, au top départ, je freine des cas de fer, tu me verras pas de la course. Profite du temps avant qu'il taille ou qu'il n'arrête le bail. T'auras de la chance si tu finis ta chute dans une charrette de paille. Quand on sait pas faustère, crayon dans le holster. La déco est austère, une boussole sur le poster. Ici les faux se taire, nous c'est poker au saloon. En cas de prime sur AMC, bah le shérif pense à nous. Sur du Pierrot Morricone, sous soleil de mort il cogne. Trinita pour idole, tu peux nous appeler Maricone. Je pense à mes mots et à tous ceux qu'ils ont butés. Je penserai mes mots après la chasse aux bisons futés. On n'est pas des voleurs élevés entre plumes et goudron. Les vautours guettent mon odeur, j'espère que les hyènes m'écouteront. Cheval coupé sport afin de rester à la page. Mais pourquoi faire des efforts, la bille ne fait pas la page. Je suis l'oiseau dans la cage, on a samplé mon sifflet. À chevaucher seul, au final le danger on s'y fait. On n'est pas des délinquants, juste une bande de déglingos. Une poignée de gringos qui aspire à plus de lingots. Mesdames, messieurs, moi parmi vous, Bambino premier du nom. Bidé beubar, pilier de bar, Babtou, Wishi, commandant. T'es un marshal venu de l'Est, navré de te dire que t'as fait ton temps. Mais si tu cherches un cordon bleu, bah j'ai sous la main Jonathan. Main droite s'appelle marteau, t'as plus de mâchoire, c'est mérité. Repris de justice ou non, c'est moi le gringo garant de l'autorité. Ils sont tous soporifiques, assez carlates sur le damier. On m'appelle magnifique, j'ai plus d'une carte en manche, faut pas me blâmer. Avec les chiffres, pas l'air fortiche, ok l'ami, gaffe au palabre. Six coups de sortie, on m'appelle Bambino, la main gauche du diable. Mis au vert dans une bourgade perdue, résidence secondaire, six pieds sous terre, planqué un tas de président mort sous la verdure. J'évite les soulards, les soucis, chasseur de primes dans mon sous-sol. Les plans à sens où je perds pas le nord, je ne me fie qu'à ma boussole. Si je cherche une rédemption, j'irai me tremper le cul dans la flotte. Mais pour l'instant, je racle ma gorge, je crois que j'ai un serpent dans la clotte.